j'en crois la rumeur publique. Et les pleurs des filles de joie, t'as des envies académiques. D'habits verts pour le coq gaulois, d'habits verts pour le coq gaulois. Toi qui lutinais la Camarde en compagnie des croque-morts, tu lâches les chansons gaillardes pour préparer ton passeport, pour préparer ton passeport. Un cœur éthique de vieillard va serrer ses fesses mesquines pour t'accueillir, toi le paillard, et ta guitare concubine, et ta guitare concubine. Sous la coupole dégarnie, on verra notre troubadour rêver au téton de Samy, parmi des myopes et des sourds, parmi des myopes et des sourds. Cette moustache de Gaulois qui faisait frissonner d'avance le fin duvet des frais minois, la couperas-tu sans répugnance, la couperas-tu sans répugnance, à moins qu'avec la barbichette en pointe, cela va sans dire, tu n'aies trouvé l'arme secrète pour faire que Margot chavire, pour faire que Margot chavire. Réglementaire pour le pourfendeur des cocus, une devant, une derrière, c'est une fin bien imprévue, c'est une fin bien imprévue. La longue épée des bien-pensants que tu leur rentrais dans la gorge, tu la porteras sur le flanc. Pauvre poète, pauvre Georges, pauvre poète, pauvre Georges. Adieu tes vieux copains d'abord, car pour tenir la queue du poil à tes obsèques nationales, ils vont te chanter le confiteor, ils vont te chanter le confiteor. Et le bon Dieu des malappris à te voir grossir la corde des généraux et des nantis, peut-être fermera sa porte, peut-être fermera sa porte.